Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë ou seul au boulot, dans une chaise longue, en randonnée, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. 7 semaines, l'usage du fleuve, une série de Martine Abatte réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a le plaisir d'arpenter la berge, les ciels changeants et le bruit du clapotis. Le plaisir de l'eau douce et celui des courants. Il y a aussi ces crues qu'on observe en bas d'eau du haut des quais. Et il y a enfin cette tranquillité des fleuves qui traversent nos villes et nous rappellent au souvenir de la mer. Mais tout commence dans un vaste paysage. Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue amateur, des chercheurs de trésors, des copains de Camargue, des pêcheurs d'anguilles, l'ambassadrice du riz, un ornithologue et un gardien de la digue. Ensuite, le décor, des champs d'oiseaux, des rizières, le mont Ventoux au loin, un horizon, des alouettes, des chevaux, des blaireaux, des canaux, le plan Marshall, des lieux de relégation et bien entendu, des moustiques. Aujourd'hui, 4e épisode, on arrive dans un delta. On dit que les princes venaient visiter les sources ou s'approchaient des sources pour apprendre les secrets de la nature. Ce qui passe devant nos yeux, là, c'est pas H2O, c'est H2O plus la vie. Les rivières, et même les petites, sont des personnes. L'usage du fleuve. Donc c'est une rivière qui avait du style. J'espère qu'il va y avoir de la crue, puis on va y retourner. Le delta du fleuve. Quand vous entendez des espèces d'oiseaux, rien qu'à l'oreille, ça vous renseigne sur le paysage dans lequel vous êtes. Et vous savez que vous êtes en forêt, ou vous savez que vous êtes dans un paysage agricole, bocager, parce que ce sont d'autres espèces, ou que vous êtes dans des grands espaces de pâturage. Et donc la Camargue, c'est un biotope particulier qui atteste la présence à la fois de la mer, de l'eau, de l'agriculture, des hommes, etc., etc. Et donc l'écoute du paysage nous renseigne sur toutes ces choses-là. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, on se dit les oiseaux chantent au lever du soleil. C'est faux. Bernard Faure, compositeur. Souvent au lever du soleil, ils ont déjà tendance à se calmer un peu. Ils chantent aux premières lueurs. Et là où c'est intéressant, c'est quand on est sur la bascule de la fin de la nuit, où on entend les dernières espèces nocturnes et les premiers oiseaux du matin. Et alors là, il y a une espèce de concert qui s'organise, et puis il y a comme une hiérarchie temporelle, les oiseaux rentrent dans un ordre relativement défini. On dit la même chose en botanique, que les fleurs s'ouvrent les unes après les autres, et qu'à une heure précise, il y a une fleur qui s'ouvre, etc., etc. Imaginez, hein, les hommes, il y a 2000 ans, hein, les Romains qui occupaient cet espace, ou l'ouverture, hein, en termes de paysage. À notre droite, vous avez le Mont Ventoux. À droite de la voiture, là-bas, c'est la Sainte-Victoire. Ça, c'est le Grand Luberon que vous voyez entre les deux Tamaris. Et puis, quand on regarde de plein nord, le massif central, la corniche des Cévennes. Là-bas, le petit mont à gauche, c'est la montagne de l'Ortus derrière Montpellier. Ah, mais c'est un horizon vaste. On a un horizon immense, immense. Claude Vella, géographe. Aucun point de repère qui peut nous donner une idée des distances, parce qu'on a l'impression que ben, c'est infini, quoi, que on peut marcher pendant des jours sans plus rien rencontrer. Imaginez les peuplades gauloises avec leurs différents villages tout autour dans cet espace-là. Ne serait-ce que les fumées, hein, de ces villages, elles devaient se voir jusqu'ici. Tout le monde pouvait repérer tout le monde. Hein. et la mer, hein, qui est pas très loin. Ici, là, actuellement, maintenant, elle est sur la droite, elle doit être à 3-4 km. Sur notre gauche, plein sud, elle doit être à une douzaine de kilomètres. Et moi, j'adore cet espace-là. J'ai l'impression de liberté qui est immense. Mais c'est pas partagé. Hein. Mon ex-femme est russe et quand on s'est rencontrés, je l'ai amenée en Camargue. Mais elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de forêt, il n'y a rien, il n'y a pas de montagne. Elle trouvait ça désolé. Désolé. Et cette image de désolation que l'on a actuellement, c'est pas du tout l'image de désolation qu'on devait ressentir à l'époque antique ou à la période antérieure de l'occupation romaine. Alors surtout là, on est dans la réserve nationale de Camargue. Et c'est un espace qui est entièrement protégé, il n'y a pas d'hommes, etc. Là, on n'est pas très loin d'un des anciens chenaux du Rhône, du Rhône antique, le Rhône d'Ulmé. Ici, il y avait des bateaux, il y avait des villages, il y avait des hommes qui cultivaient. Il y avait des bêtes qui devaient paître. Il y avait des bêtes, énormément de bêtes. Le delta, c'est une voie de passage. Donc, cette image d'une nature préservée, sauvage, etc., de tout temps, elle est totalement fausse. C'est un espace qui a été fortement occupé, fortement aménagé, extrêmement mobile. Là, on est sur la limite du littoral à une certaine date du Moyen-Âge, hein, autour de 1000-1085. La mer était là. Là, on était dans l'eau. Et en peut-être moins d'un siècle, la mer était peut-être à un kilomètre au sud de là où on se trouve. Et puis, cinq siècles plus tard, la mer va à nouveau reculer et la terre va s'avancer de 3,5 km. Donc, c'est un espace extrêmement mobile, quoi. Il n'y a rien d'immuable en Camargue. Ça, c'est la caractéristique des deltas. C'est la caractéristique des deltas. D'être mouvant. Et du fonctionnement, d'être mobile, extrêmement mobile. C'est lié aux apports sédimentaires d'un côté et à l'action de la mer de l'autre côté. Avec la cisticole des joncs. C'est l'été, ça ? Ouais. Printemps. C'est beau, hein, tous ces petits individus. La Camargue, c'est un faux paysage naturel. Ce que j'appelle un faux paysage naturel, c'est que, évidemment, la Camargue telle qu'elle existait avant que l'homme s'installe dans la région n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle est actuellement. Et donc, c'est ce qu'on appelle une nature domestiquée. Et cette nature domestiquée, elle indique, en fait, donc, la réaction du milieu naturel à l'activité humaine. Vous prenez une région qui est couverte de forêts, ce qui était d'ailleurs le cas de toute l'Europe autrefois, c'était couvert de la forêt gauloise. On dit qu'un écureuil pouvait descendre du haut de l'Europe, de la Norvège jusqu'au sud de l'Espagne en sautant de branche en branche. Ce qui serait loin de faire de nos jours. Et donc, alors on peut imaginer que dans cette forêt, il y avait un certain nombre d'espèces qu'on trouve encore d'ailleurs dans notre forêt, mais après nous avons déforesté, nous avons créé de la lande, nous avons créé de la garrigue d'une certaine manière à certains endroits. Il y a des hauts plateaux, il y a des paysages agricoles et sont venus s'installer et ont colonisé ça, des espèces animales qui à l'origine n'y étaient pas. Justement, est-ce que vous retrouvez d'année en année les mêmes espèces ? Oh, c'est à peu près constant. C'est à peu près constant. Tiens, il y a un truc d'ailleurs à ce sujet-là qui peut être, je le voyais tout à l'heure, ce bruant l'a enregistré en 2016, donc en fait l'année dernière, et cette année, le bruant était exactement au même endroit, sur le même arbre, à la même branche, à la même heure. C'est un bruant proyé. C'est un petit son sympa. Voilà, c'est lui. C'est un oiseau qui fait toujours cette formule-là. C'est vraiment sa signature. Avec très peu de variété, des silences entre, mais il va revenir. Alors par exemple, ce bruit employé, c'est sympa. Il est là, il y a quelques autres oiseaux qu'on entend d'ailleurs derrière. Et à peu près 50 mètres de là, il y a une espèce de petite lande et on y trouve les alouettes. Alors il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé aussi dans le travail avec la Camargue, c'est que il y a déjà pas mal d'années, j'ai fait un travail sur le delta du Danube. Et le delta du Danube, c'est un paysage sauvage qui est l'un des derniers endroits d'Europe qui n'a pas été modifié par l'homme. Et donc c'était intéressant de comparer les paysages sonores de ce delta avec ceux de la Camargue. Et qu'est-ce que vous avez constaté ? Oh, des présences et des densités, en fait, qui sont très très différentes. Et justement, on n'a pas cet équilibre qu'il y a entre la Camargue, entre l'eau salée et l'eau douce, d'une certaine manière, et donc les espèces qui y participent. J'ai vu des crottins de cheval, ils ont le droit de venir, les chevaux, aussi ? Il y a 6 ou 7 chevaux sur la réserve, qui sont quasiment sauvages, et qui ont un très bel espace pour eux, ils doivent vivre très heureux. Ça, c'est un rhône qui est assez récent. C'est un rhône du petit âge de glace. C'est un petit rhône, bras du rhône. C'était un très gros bras, mais ça, c'est ce qu'il en reste. Donc, il a fini de fonctionner il y a environ 300 ans, un peu plus de 300 ans, 1711. Il faut imaginer quand il est fonctionnel, au petit âge de glace. En plus, c'est une période où il y a beaucoup d'écoulement, hein, beaucoup d'eau qui arrive. Au 18e ? Oui, c'est petit âge de glace. On dit que c'est... Globalement, c'est à partir du 16e, 1500 et quelques, et ça finit à la fin du 19e. Et donc là, il y a beaucoup d'eau qui circule et beaucoup de sédiments. Il est très large, il divague, et il se déplace énormément. Et c'est pour ça qu'en 1711, d'ailleurs, il est encombré par ses propres sédiments, et paf, il va se déplacer. Et il va occuper créer un nouveau bras, qui est le Rhône actuel, le Grand Rhône, qui s'écoule et qui passe devant Port-Saint-Louis-du-Rhône, Salingero, etc. Ça veut dire que ce bras-là, il n'est pas connecté au Rhône. Il ne l'est plus. Voilà. Il ne l'est plus. Et moi, ma recherche, c'est étudier les déplacements de ces chenaux, l'impact que ça va avoir sur l'avancée du delta, l'avancée des plages, le recul des plages. Parce que imaginez, le bras de fer, là, il amène énormément de sédiments en un point du delta. Et quand le chenal se déplace, eh bien, ce point du delta, il se trouve d'un coup dépourvu d'alimentation en sédiments. Et le recul se produit. Il y a l'érosion par les vagues. Un delta, c'est un équilibre entre les apports sédimentaires et l'action de la mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un delta et un estuaire? Pourquoi parfois un fleuve produit un delta et pourquoi parfois il ne produit pas de delta? Par exemple, en Gironde, quand le fleuve se jette dans la mer, c'est un estuaire. En Gironde et dans la Loire, dans tous les estuaires, on est dans des systèmes à marée, hein, des systèmes tidaux. Il y a des fortes variations du niveau de la mer et des forts courants qui permet l'évacuation des sédiments et un remplissage moins rapide des vallées. Alors quand on est dans un système tidal, un système à marée, il y a des courants de chasse importants, hein, notamment lorsque la marée monte, vous avez l'eau de mer qui remonte, et lorsque la marée descend, on a une accélération du courant, on vidange l'estuaire, et il y a énormément de transports sédimentaires. Et là, c'est plus difficile de colmater cet espace. Mais il est en voie de colmatage. Mais il est plus lent que dans un delta. Ici, on est en Méditerranée, sur le delta du Rhône. Il n'y a pas de donc, marée. Il y a une marée, mais elle fait 30 cm, hein, environ 30 cm. Donc quasiment la variation de pression est supérieure à la marée. Hein. Donc ça veut dire que ces marées ne sont pas suffisamment importantes pour chasser les sédiments. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils s'accumulent dans le delta. Donc, et ils ne s'accumulent pas n'importe où. Ils s'accumulent à l'embouchure. Ils s'accumulent là où le fleuve débouche dans la mer. Exactement là où il débouche. C'est-à-dire exactement, c'est sur quelques kilomètres. Là où il se termine. Actuellement, la grosse accumulation de sédiments, elle se fait vers Port-Saint-Louis-du-Rhône. Elle se fait plus vers les Saintes-Maries de la Mer ou ailleurs sur le delta. Et pour qu'un delta grandisse et fonctionne bien, il faut que les chenaux sur le delta se déplacent pour que le tas de sable qui actuellement se dépose sur à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à l'embouchure, il puisse se déposer ailleurs. Ça, plus personne permet dans des systèmes deltaïques, hein, ou à part quelques systèmes deltaïques vraiment sauvages, le déplacement d'une embouchure. Notre société n'accepterait pas de voir l'embouchure du Rhône se déplacer de 10 ou 15 kilomètres. C'est-à-dire que le delta, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus normalement. Donc, je reviens au déplacement de mon embouchure. Lorsque une embouchure va se déplacer, le tas de sable va se produire ailleurs, donc ça va permettre une autre zone du delta de grandir. Et pendant ce temps, l'ancien tas de sable, il va être repris par les vagues, par ce qu'on appelle la dérive littorale. Et donc le tas de sable qui s'est déposé selon l'embouchure précédente, il va être repris par la dérive littorale et le sable va être étalé le long de la côte. Et ça, c'est fini tout ça. Voilà, ça ne se produit plus. Et ça, c'est parce qu'on a fixé les bras, les voilà. Deux bras du fleuve, voilà. Le Petit Rhône et le Grand Rhône. Voilà. Attendez, je vais ouvrir. Voilà. La passerelle. Tu refermes ? Oui. Henri et Jean-Claude. Ah, c'est un ami archéologue. Hein. Oh ! Oui, mais oui, archéologue. Amateur. Amateur, voilà. Rien souvent, d'officiel. Souvent sur le Rhône avec moi. Il faut être prudent pour dire archéologue. Vous êtes copains tous les ah, deux. Ah, ben oui. Depuis quand? Ben, c'est-à-dire que... Oh, oui, on se connaît parce que... C'est à... Voilà, ça moi, va c'est de la passion. Faire. Moi, c'est que le Rhône. Et lui, c'est le Rhône et puis tout ce qu'il y a autour. Voilà, quoi, voilà. Ça. Alors, nous, on s'est connus parce qu'on cherchait, justement... Voilà. Moi, je cherchais des plans du Rhône ancien, et lui, il en avait, donc on s'est rencontrés comme ça. Oui, et depuis... parce qu'on s'est échangé des informations, chaque voilà. fois il y a des lacunes. Hein. Après, chacun a son Rhône. Tarascon, Beaucaire, c'est différent, Arles, c'est différent, Avignon, c'est différent. Et vous, vous connaissez quel Rhône, alors? Moi, je connais le Rhône d'ici, mais jusqu'à Avignon, je connais quand même. J'ai fait pêcheur d'anguille dans les années 70. Après, j'étais plongeur au pompier à Arles. J'ai été aussi patron du bateau pilote de Marseille. Il y avait une pilotine ici, donc j'embarquais, je débarquais les pilotes. On monte avec vous, là? Allez, bien embarqué. Hein. À l'avant, côté gauche, pour faire le contrepoids par rapport au monteur et au pilote. Vas-y, allez. Après je pousserai. Vas-y, pousse, je monte. Qui est? Allez, c'est bon. Parfait. Eh bien voilà, allez-y. Allez-y, hein. Vous ne craignez rien. Vous goûtez la terre et le sel, vous. Ah bah oui. Moi, quand je fais un trou, si la nappe est salée... Ah oui, c'est salé, ouais. C'est très salé. Ouais. Si vous pouvez avoir des salinités dans la nappe de l'ordre de... peut-être des fois supérieure à la mer, hein. 40 grammes de sel pour 1000. Ah, c'est quoi ces traces, là, d'animaux? Un sanglier. On peut en croiser là au milieu de rien. Oui. Et on peut même pas grimper à un arbre. Non, mais il va partir. Hein. Il va pas. Il a de l'espace là. Ils viennent fourrager ici. Il n'y a rien pour eux aussi. Bon, oui, ils trouvent à manger. Ils vont manger des cadavres d'écrevisses. On est envahi par les crevisses de Louisiane. Ils vont manger des cadavres d'anguilles, des choses comme ça, ou de petits poissons, quelques racines. Il y a des moments où il y a l'eau ici? Ah oui, oui, oui, tout l'hiver, il y a l'eau. Il y a des endroits où il y a 40-50 cm d'eau. Quoi. Donc, Et c'est de l'eau douce ou de l'eau salée? C'est saumâtre. Saumâtre. Hein, saumâtre. Il y a de moins en moins d'apports sédimentaires. Bon, il y a beaucoup d'aménagements sur le Rhône qui ont bloqué les sédiments, notamment tout le sédiment qui est piégé dans la vallée hein, et dans le chenal. Il n'arrive pas ici. Il y a eu l'exploitation des sédiments dans les affluents, hein, le sable, jusque dans les années 2000, on extrayait le sable dans les rivières. Aussi, les sédiments, depuis le 19e siècle, ont décru aussi par variation du climat, changement du climat. Tout à l'heure, j'ai parlé du petit âge glaciaire, il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de sédiments, beaucoup d'érosion. En même temps, il y avait une agriculture extensive, avec beaucoup de pâturage dans les montagnes, et qui fournissait énormément de sédiments. On a de l'érosion, c'est le très fort urbanisme, la création des ports. Donc tout ça, ça a joué un rôle dans les apports sédimentaires. Et en plus, le niveau de la mer, on va passer d'une élévation du niveau de la mer de l'ordre du millimètre par an à du centimètre par an, voire plus. Donc là, les paysages vont changer. Il faut imaginer le delta submergé, du sel encore partout. Là, on est devant un paysage de Sansuire. On était tout à l'heure à Arles avec un paysage agricole, des rizières, des champs de blé, etc. Eh bien, il faut imaginer que le paysage de Sansuire va gagner vers le nord, va remonter à l'intérieur des terres dans le delta du Rhône. Là, vous voyez les deux poteaux, c'est la tête du delta, là, voilà. C'est beau, là. Ah oui, oui, oui. Mais là, on va aller plus haut, vous allez voir, c'est encore mieux, hein, plus haut. Nous, on appelle la petite Guyane, là. Ça, j'allais dire, ça fait un peu Amazonie. Ah oui, oui, oui, oui, oui, c'est ça. Très hein. Vert. Ah oui. Il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup d'oiseaux. Ah oui. Alors, toutes ces pierres que vous voyez, là, ça a été fait pour canaliser le Rhône. Voilà, et nous, quand je pêchais l'anguille, on pêchait l'anguille tout le long de cette digue. De toute façon, on ne va pas aller plus vite. Là, vous voyez les parois des berges comme ça? Eh bien, lors des crues du Rhône, par tranches, ça s'écroule, et des tranches de 50 cm. Avec mètres, voire 2 mètres, etc. Chez Anne du Lac, au Petit Rhône, 6 mètres de large, là. Sur quelques centaines de mètres de ça a gagné les 30 ou 40 on mètres qu'il y a, là. Là, ça va tomber, ça. On voit l'arbre qui est déjà tombé, là. Bon, maintenant, il ne manque plus qu'un anaconda et un alligator, hein. Jean-Claude, un castor. Ah ouais, tu l'as vu? Castor, la queue plate ah ouais, derrière. Ah ouais, la queue plate. Ouais. On l'a passé là, notre enfance, tous les étés. Hein. Entre copains, c'était nos coins ici. Hein. Là, il n'y a personne. Il y avait encore moins de monde. Et on n'entendait pas la route là-bas derrière. Hein. On allait s'amuser tout le temps sur les îles. On faisait des radeaux pour traverser sur les îles. Puis ça nous est arrivé de rester aussi parce que le radeau, il s'ouvrait, il se cassait. Hein. Alors on revenait à la nage. Mais, bon, mais les parents ne savaient pas. Hein. Et puis souvent, moi j'ai fait la descente sur des bouées de camions, des grosses bouées énormes. On se mettait dos à dos et on descendait de Tarascon. les bouées, c'est ingouvernable. Hein. Oui. Ouais, c'est ingouvernable, alors souvent on rencontrait des bateaux, alors les bateaux nous tiraient des coups de sirène, hein, parce que des fois on les frôlait. Je pense un peu une période de fois, ça a été juste, parce qu'une fois c'était un remorqueur et il tirait trois barques. Le problème, c'est pas le remorqueur, c'est que quand il a passé, c'est de passer entre le remorqueur et les barques. Parce que là, on ne pouvait rien faire. Hein. Là, c'était... Ou alors, peut-être s'attraper au câble de remorque et se tenir. Il n'y avait que ça, hein, je pense. Mais bon, je n'y pense plus parce que... Et, ouais. Alors, et quand vous étiez pêcheur d'anguilles... Oui, on pêchait surtout à l'escargot. On pêchait, on allait ramasser des escargots, on les mettait dans des nasses et on pêchait comme ça. Avant, on avait des anguilles, là. Comment ça, là ouais, ce qu'on appelle le pougaou, la grosse comme le poignet, 1m20, 1m50 de long, vraiment la grosse. Quand j'étais enfant, moi, j'ai vu remonter toutes les... Ouais, les civelles. Les civelles, là. Ça, c'est un cordon. Un cordon comme ça. Comme de la glaire. Et des anguilles translucides. Et là, comme un long tuyau. C'est translucide. Une glaire, voilà, transparente, mais elle se tient toutes dans cette... Mais il y en a des milliards. Une anguille de 750 grammes, un verre de vin blanc, deux oignons, persil, thym, laurier, ail, 250 grammes de champignons, 50 grammes de laitance de carpe, sel, poivre. Non, non, non, parce que maintenant, il y a le PCB là-haut, il ne faut pas en manger. Hein. Passez la cuisson dans un tamis de soie, ajoutez de l'espagnol et faites réduire jusqu'à ce que la sauce masque la cuillère. Passez à l'estamine, couvrez l'anguille de sauce et faites bouillir pendant 2 minutes. Dressez l'anguille dans le pâté. Formez un cordon de champignons tourné sur le bord de la croûte, saucé avec la partie de la sauce que vous avez réservée. La Camargue n'est pas facile à vivre. Faut pas oublier que la Camargue est une île. Estelle Rouquette, historienne. Et que ces deux bras du Rhône forment une île qui va donc ne sera stabilisée réellement que à la fin du 19e siècle et qui ne sera accessible que vraiment au tout début du 20e siècle grâce aux ponts qui vont être construits. C'est pour ça qu'on dit l'île de Camargue. C'est une île parce entre les deux bras du Rhône. Entre les deux bras du Rhône et la mer au sud, et avec la difficulté d'y accéder. Et les seuls moyens d'accéder à la Camargue étaient le pont de bateau d'Arles jusqu'à la fin du 19e siècle ou le pont de bateau à Saint-Gilles. Et ces ponts de bateau pouvaient être emportés par la crue à tout moment. Au XIXe siècle, le pont a été emporté à chaque fois que le Rhône a débordé, c'est-à-dire au moins 26 fois. Et à ce moment-là, il y avait des passeurs qui faisaient passer les personnes d'une rive à l'autre. Malgré tout, voilà, c'était quand même une île qui restait isolée et quelquefois, alors, par le mauvais temps, les vents. Vivre en Camargue était une lutte permanente. Un proverbe dit « Nul ne naît ni ne meurt en Camargue ». Parce qu'on ne faisait vivre ni femme, ni enfant, ni vieillard en Camargue. Et seule raison que l'on avait d'y aller était de travailler quoi, et de gagner sa vie. Depuis l'origine, l'homme a cherché à stabiliser le sol, puisque forcément le foncier avait une valeur, même si elle était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Donc des digues et des moyens aussi de lessiver le sol. Alors jusqu'en 1860, le Rhône faisait ça lui-même, puisqu'il débordait, donc inondait complètement la Camargue. Et à ce moment-là, il lessive et il rince le sol. C'est à la fois bénéfique pour les agriculteurs, mais ça chamboule, ça bouleverse l'ordre foncier des choses. Donc des sociétés agricoles qui se sont constituées au 19e siècle, après la Révolution, avec des investisseurs qui ont acheté des terres de Camargue pour y cultiver le blé, notamment les céréales, et qui attendaient un rendement. En fait, ces investisseurs ont fait pression sur l'empereur sous le Second Empire pour que la Camargue soit complètement endiguée, pour qu'on mette un terme à ces inondations. Et du coup, ces inondations ont forcément stoppé le rôle qu'avait le Rhône de lessiver le sol à chacun de ses débordements. Et donc, on s'est trouvé face à une salinité qui ne permettait plus de récolter quoi que ce soit. Et on aurait eu un désert salé si des réseaux d'irrigation, si les canaux n'avaient pas été mis en place à ce moment-là. Des aménagements très très lourds ont été réalisés au 19e siècle en contrepartie d'un endiguement qui mettait un terme aux échanges naturels entre le Rhône et la mer. Qu'est-ce que vous voulez de beau? On voulait savoir ce que vous faites ici. Ce qu'on fait, on vient accueillir l'ambassadrice du riz qui va arriver là sur un bateau. C'est une fille des Camargues, mais bon, elle arrive sur le Rhône. Ça fait bien, quoi. On vient l'accueillir. Il y a ses gardiens là-haut, vous les avez vus? Avec les chevaux. Voilà. Donc, ils ont amené son cheval. Quand elle aura débarqué, elle va monter sur son cheval et ils vont aller à l'église du quartier pour bénir la gerbe du riz nouveau. Vez la santa y gagne de tu benedicción y que tu peuple posque ad la maite grazia de ti benfa per Jesu le Christ nostre Seigneur. Amen. La population camarguaise est une population qui va croître après l'endiguement. Puisqu'avant l'endiguement, on décomptait 2500 habitants. C'était très compliqué d'y vivre, il n'y avait aucun intérêt. La Camargue était infestée de moustiques, la tuberculose était là de façon endémique et on avait une espérance de vie très très faible, je crois, de 25 ans en Camargue. Donc, c'était un peu des lieux de relégation. Comme toutes les zones humides, insalubres, pour aller se cacher, c'était pour punir quelqu'un. Il n'y avait rien de tel que d'aller de l'envoyer en Camargue. Donc, du coup, ce delta va se peupler à la fin du 19e siècle, après l'endiguement, à un moment où la révolution industrielle permet de penser que l'on va maîtriser la nature définitivement grâce aux nouvelles technologies, si on peut appeler ça ainsi. Et donc vont arriver des personnes qui sont essentiellement des ouvriers qui vont travailler au salin, des ouvriers qui vont travailler dans les domaines agricoles qu'on développe à ce moment-là, sûrs de la stabilité définitivement d'un sol et des rendements qu'on va pouvoir obtenir grâce à l'irrigation qu'on met en place avec des systèmes de pompage, avec des machines à vapeur. Donc voilà, on est en pleine industrialisation de la Camargue. Et à Saint-Lin-de-Giraud naît cette cité ouvrière de Péchiné, dans un premier temps, puis celle de Solvay, qui vont compter jusqu'à 3000 habitants qui viennent là pour travailler et récolter du sel dans un premier temps et ensuite le transformer en soude pour fournir les savonniers de Marseille. Et donc vont venir de toutes parts des gens vivre en Camargue, non pas par choix, mais par besoin, par nécessité. Ils vont quitter leur pays, bien souvent en guerre ou en conflit ou en crise économique. Alors beaucoup de l'Europe de l'Est, des Balkans, des Grecs, des Ukrainiens, des Russes, des Arméniens, bien sûr, des Espagnols, voilà, toutes les populations migrantes de la première moitié du XXe siècle vont se retrouver à Saint-Lin-de-Giraud. Donc on va passer de 2500 habitants à 5000. Pourquoi le riz et pas autre chose? Parce qu'on peut cultiver le riz dans des zones marécageuses, c'est ce qui se fait ailleurs, ou dans des zones où on peut mettre de l'eau douce. Ici, on a toujours pensé qu'on pouvait le faire. Sauf que les conditions géomorphologiques, il y avait quand même une pertinence à faire ça. Mais une pertinence en termes de chercher à coloniser toujours plus, puisqu'on ne peut pas faire de blé dans des terres trop basses. Mais on essaie de faire une autre culture, et la seule qui est adaptée à condition de mettre de l'eau douce, c'est le riz. Les essais de production de riz, il y en a eu depuis assez longtemps, ici même les moines, au XVIIe ou au XVIe siècle, ils ont essayé sur le sud, mais ça a avorté, parce que le problème ici, c'est qu'on ne peut pas envoyer de l'eau de façon gravitaire comme on veut. Alain Dervieux, ingénieur écologue. Donc, il faut forcément avoir des moyens mécaniques pour envoyer de l'eau dans la Camargue. Et de l'eau douce. Et de l'eau douce. Alors, la révolution rizicole, c'est une révolution hydraulique. Donc, en fait, les apports mécaniques en eau douce dans la Camargue, ils ont pu être réalisés à partir du moment où est née la machine à vapeur. Où on a pu avoir des moteurs. Eh bien voilà, exactement. On est autour de 350 millions de mètres cubes. On injecte dans la Camargue à partir des canaux d'irrigation, à partir du Rhône. Donc ça, on a commencé le riz à le cultiver après la guerre. Ça a pu se réaliser à l'après-guerre, essentiellement d'ailleurs parce qu'il y a eu des apports importants américains, les plans Marshall, qui ont permis donc de creuser des canaux et d'installer des pompes électriques. on a fait à peu près n'importe quoi à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on a cultivé du riz sur des terres très très basses, où en fait, sur des terres très basses, on a des remontées d'eau saumâtre, et puis en plus, si on n'a pas de remontées de sel, on a du mal à les assécher. C'est-à-dire que le riz est compliqué à cultiver ici. C'est une culture contradictoire du climat. Ici, on a chaud l'été, mais on peut avoir très froid au printemps. Et ça, c'est pas bon pour le riz. Ah non, le riz, il n'aime pas du tout. Non, en dessous de 12 degrés, il n'aime pas du tout. Et il a tendance à pas germer. Et ça arrive souvent au printemps parce que, à cause du mistral. J'ai un copain, un collègue riziculteur qui dit que son riz s'enrhume quand c'est comme ça. Comment on fait pour obtenir des bons rendements? Est-ce qu'il faut beaucoup d'ajouts? Est-ce qu'il y a beaucoup de pesticides? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, vous savez, chez l'être humain, pas qu'en Camargue, ni dans l'agriculture, en fait, ce qui prédomine, c'est d'abord les habitudes culturelles. Mais peut-être que les modes techniques culturales ne sont peut-être pas totalement adaptés à ce qu'on pourrait souhaiter aujourd'hui. Il n'y a pas de vent, on a de la chance. Des moustiques ? Peut-être. Toi, est-ce que tu as un peu bas comme ça ? Il est vraiment bas le fleuve en ce moment. Il est bas. Très très bas. En général, à cette époque de l'année, il est... Non, c'est la fin de l'été, donc non, ça lui arrive d'être... Là, il est un peu plus bas que d'habitude. Ouais. Au moment donné, il était à 300 cubes de seconde. Ouais, 300 mètres cubes, c'est très bas. Thibaut Mallet et Thierry Liabeuf du Cimadrène. Ça, c'est le Grand Rhône ? C'est le Petit Rhône. C'est le Petit Rhône. Donc en fait, vous êtes au cœur du delta du Rhône. Donc le delta du Rhône, il a une superficie de 1500 km². Et donc, il y a 110 000 personnes qui y vivent, hein, de façon permanente. Puis bien sûr, dans les périodes estivales, ben, voilà, ça peut doubler, voire tripler. Donc, on est sur la digue du Petit Rhône. Donc, en fait, le delta, il est protégé depuis le milieu du 19e siècle, en fait, par à peu près 250 km de digue fluviale. Et il y a également une digue à la mer qui fait 50 km. Et le Cimadrème, nous, en fait, on est un établissement public. Donc c'est le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta et de la mer. Et vous, Thibault Mallet ? Donc moi, je suis en fait le directeur technique. Nos missions, c'est la surveillance des digues, l'entretien des digues et également la coexistence avec les propriétaires des ouvrages traversants. Vous voyez ici, vous avez en fait une canalisation. Donc les agriculteurs viennent pomper en fait dans le fleuve pour irriguer, et puis après il y a des ouvrages de drainage aussi, donc l'eau après elle retourne au fleuve en fait par ces ouvrages de drainage. Les premières digues en Camargue, c'est le 12e siècle, et on va dire à partir du début du 19e siècle sous Napoléon Ier, on commence à s'intéresser un petit peu à l'endiguement, et ici en fait on a eu en 1840 la crue qui demeure la crue la plus forte qu'on ait jamais eue en fait dans le delta, hein. Donc 13 000 mètres cubes en amont du delta, toute la Camargue a été inondée. Et donc à partir de 1840, il y a eu l'endiguement généralisé en fait, de la Camargue. Et l'objectif, c'était, ils construisaient des digues insubmersibles. C'était, jamais l'eau passera par-dessus. Alors, il n'y a pas eu de grande crue de 1856 à 1993. Donc, il y avait les ouvrages de la CNR, Compagnie Nationale du Rhône, en amont, qui n'étaient pas des ouvrages de protection, qui étaient des ouvrages de production électrique. Hein. Mais les gens avaient l'impression qu'on avait domestiqué, maîtrisé le fleuve et qu'on était protégé à tout jamais des inondations. Et en 93, il y a eu le réveil hydrologique du Rhône. Et là, en fait, si vous voulez, la Camargue, à nouveau, entièrement inondée. Donc là, l'endroit où on est, il y a eu une brèche. Il y avait une canalisation et donc l'eau s'est engouffrée au contact du sol et de la canalisation et a cassé la digue et donc a inondé en fait toute cette zone-là. En 2003, c'est la crue centennale du Rhône. Donc là, il y a tous les quartiers nord d'Arles qui ont été inondés. 700 millions d'euros de dommages. Il y a eu des victimes Alors, il n'y a pas eu de victimes. On n'est pas sur des crues torrentielles. Le Rhône, on le voit arriver. Il monte alors assez rapidement, mais suffisamment lentement pour que les gens puissent prendre des précautions. En 2003, c'était encore des ruptures de digues. C'était des ruptures de digues, oui. Alors ici, l'inondation, elle ne vient que par rupture de digues. Et donc, depuis 2007, on investit massivement en fait, sur les ouvrages. Donc, on sait que pour sécuriser toutes les digues du Rhône, ça va coûter à peu près 400 millions d'euros. D'ici une dizaine d'années, on devrait avoir sécurisé l'ensemble des digues. Parce que celui-là, on dirait juste de la terre, du remblai, en fait. Oui, alors à l'époque... Et elle n'est pas en matériaux solides. C'est la terre qu'on trouve dans le delta. Ces matériaux-là, ils sont très érodables. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait une petite fissure pour organiser une fuite. Et très vite, ça peut s'éroder. Donc, le trou va s'agrandir très rapidement. Et donc, ça va aboutir à la brèche. C'est ce qui s'est produit en 93 et en 94, 2002 et 2003. Et même l'année dernière, on a eu une crue décennale. Il y a eu une brèche de 3 mètres, vraisemblablement dans un terrier de blaireau. Vous l'avez vu, le blaireau ? Non. Non, si je l'avais vu, je l'aurais piégé et j'aurais fait intervenir à l'entreprise pour boucher le trou. Suivant comment c'est positionné, on n'arrive pas à le détecter. Donc après, tout se fait à l'oreille. Il faut écouter de l'eau qui coule. Vous entendez de l'eau couler, vous dites c'est suspect. Donc vous vous rapprochez pour aller voir d'un peu plus près ce qui se passe. Après, il faut juger la couleur de l'eau qui s'écoule. Si c'est de l'eau qui s'écoule de façon claire, il n'y a pas de danger puisqu'il n'y a pas d'érosion interne dans le corps de digue. Donc là, on surveille. Maintenant, si c'est de l'eau qui est chargée en sable ou en limon, dans les 90% des cas, une entreprise intervient. Vous, donc ça veut dire que vous vous promenez aussi, enfin, vous patrouillez à pied ? Et à pied, c'est dans un silence quasi total. Parce que sinon, si vous êtes avec quelqu'un que vous parlez, ben, vous êtes pris par la conversation et vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous. Et vous écoutez vraiment ce qui se passe autour de vous. Le fleuve, il est discret. Hein. Là, on est juste à côté. Oui. On ne l'entend pas, là, aujourd'hui. Il est hyper discret. Il est moins discret en période de crue. Surtout la nuit, parce qu'il y a beaucoup moins de bruit la nuit, les animaux, on ne les entend pas. Donc la nuit, c'est plus oppressant. D'autant plus que s'il est vraiment haut, qu'il est vraiment en contact avec la digue, comme en 2003, par endroits, vous sentez l'ouvrage légèrement vibrer. Ça fait longtemps que vous êtes garde-digue, Thierry ? Alors, moi, je suis garde-digue depuis 20 ans. Donc, dans le même secteur ? Toujours dans le même secteur, oui. Je suis né dans ce coin-là, donc ces digues-là, je les connais sur le bout des doigts, puisque j'ai fait des bêtises là-dessus. Et c'est important que le garde-digue ait toujours le même secteur pendant des années, parce qu'il connaît. Vous surveillez combien de kilomètres de digues ? Alors moi, sur les digues du Petit Rhône, je surveille environ 30 kilomètres. Et après, je m'occupe aussi de surveiller les digues maritimes, donc les 50 km, protection maritime au droit du village des Saintes-Maries. Et vous voyez des animaux quand vous patrouillez comme ça sur vos digues ? Alors, quand on les voit, c'est qu'il y a un trou. Une fois que les animaux sont piégés et retirés de l'ouvrage, pour ouvrir la digue, lever toutes les galeries qui ont été creusées par l'animal, et refermer l'ouvrage en le compactant correctement pour pas qu'on ait de problèmes après par la suite. Ça peut être des blaireaux, ça peut être quoi d'autre ? Ça peut être des blaireaux, des renards, des ragondins. Principalement blaireaux, renards, ragondins. Après le reste, oui, il y a des petits trous de lapins ou quoi. Les lapins, il y en a moins parce que bon, ils sont bien malades quand même. Mais après, je préfère un trou de blaireau parce que le blaireau, il va vous faire un trou, il va vous faire deux sorties. Un lapin, il va vous faire 30 000 trous et 50 km de galerie. Donc je préfère avoir affaire à un blaireau qu'à un lapin. Si ça rompt vraiment avec 5 mètres, vous avez d'un coup 5 mètres d'eau, là la puissance du fleuve est telle qu'on intervient, on intervient. Mais en général, on n'arrive pas à fermer la brèche. Tellement donc, le fleuve est puissant. Le fleuve est trop puissant. Des fois, ce que vous avez pu voir, les hélicoptères et tout, qui balancent des big bags et tout, c'est... Voilà, on essaie de faire des choses, mais il n'y a jamais un hélicoptère qui a su fermer une brèche. Voilà. Donc le départ de brèche, la petite brèche, on y arrive, mais la grande brèche, on n'y arrive pas. Donc à un moment, on sait qu'on est impuissant face au fleuve. Hein. Je Je crois qu'il y a un moment où la ville va se couper du fleuve. Cette coupure, elle va être due à ce grand nombre d'inondations. L'inondation va finir par être vécue comme une catastrophe, ce qui n'était pas forcément le cas. Quand on lit Quiqueran de Beaujeu, il raconte... Donc Quiqueran de Beaujeu, il écrivait au XVIe siècle, en 1550, et il raconte les inondations du Rhône. Et il dit qu'effectivement, le moment de l'inondation est un moment de grosse pression. On essayait de s'entraider, d'endiguer au dernier moment pour se protéger de la crue et de l'inondation. Mais malgré tout, il y avait forcément un aspect positif qui était le fait que le sol allait être dessalé et que les terres seraient enrichies par l'inondation. Et par contre, cette perception, elle va changer au moment où justement ces investisseurs qui ont acheté des parts dans des sociétés agricoles en Camargue et qui ne vivent pas là vont perdre leurs revenus. Et donc l'inondation va occasionner une perte financière. Parce que les inondations, et notamment la dernière, l'inondation de 1856, va être très forte. Elle va emporter toutes les cultures, elle va emporter le bétail, des endroits où on va mesurer jusqu'à 6 mètres d'eau. Donc cette inondation est vraiment l'inondation de trop. Et c'est à ce moment-là que Napoléon III descend par le train qui venait d'être inauguré justement par la voie ferrée. Et il va faire ce qu'on appelle un voyage compassionnel et il va se rendre compte qu'il y a vraiment un problème pour les riverains du Rhône et surtout pour ces investisseurs qui représentent un lobby important et qui vont faire pression pour qu'on endigue non pas le Rhône jusque là où il y a des populations pour protéger ces populations, mais aller jusqu'à l'embouchure pour protéger aussi les cultures, ce lobby, donc les gros industriels de l'agriculture, les céréaliers. Et donc on va à ce moment-là complètement endiguer la Camargue. Et du coup, le Rhône devient un ennemi. Parce qu'en plus, le Rhône à ce moment-là n'est plus celui qui pourvoit les marchandises, puisque la marine du Rhône décline et qu'il y a le chemin de fer. Et c'est ce que raconte Frédéric Mistral dans son poème du Rhône, qui est écrit en 1896, c'est que c'est la fin non seulement de la marine du Rhône, mais aussi du rapport que l'on pouvait avoir avec le Rhône, qui était une voie de communication. Et qui était aussi celui qui allait inonder et apporter... Qui allait être bénéfique. Bénéfique, voilà. Donc on endigue complètement le Rhône pour ne plus le voir. Et le lien avec le Rhône se rompt à ce moment-là. Mais effectivement, on ne le voit pas quand on est en Camargue, le Rhône. Il faut vraiment le chercher, trouver, pour le voir, pour le regarder. On a complètement tourné le dos au fleuve du fait de la disparition du port qui était autrefois la Roquette et les mariniers qui étaient un lien permanent, ces gens qui habitaient la Roquette, qui naviguaient sur le Rhône, qui remontaient ou qui redescendaient le Rhône. Il y avait vraiment un lien très fort avec le fleuve qui s'est rompu. Et puis les digues qui ont caché, qui l'ont masqué pour ne plus le voir, parce qu'il était considéré comme l'ennemi du territoire et de la population. J'ai vécu les inondations en 2003, donc j'habitais la Roquette à cette époque-là. Et le fleuve est redevenu une menace, puisqu'il avait rompu ses digues au nord d'Arles. Et on s'attendait à ce qu'il les rompe aussi au niveau de la ville. Donc pour les habitants de la Roquette, c'était une crainte permanente. On ne dormait plus la nuit et on se retrouvait sur les quais pour surveiller l'eau qui arrivait à passer par-dessus les parapets. On se relayait. Par la peur, on a été de nouveau ramenés vers le fleuve et on s'est tous retrouvés autour du fleuve, mais par la crainte qu'il a générée à ce moment-là. Tout le monde vous dit la crue, c'est catastrophique. La crue, ça a été catastrophique pour les Arlésiens en 2003, mais pour les apports sédimentaires en mer, ça a été fabuleux. Le peu d'apports qui se produisent en période de crue. pour un système de fonctionnement de Delta X, c'est fabuleux. On apporte des sables, on apporte des nutriments. Moi, j'avais des collègues biologistes qui pensaient que après des grandes crues, on voyait des recrudescences, notamment sur les poissons plats, sur les sols, etc. Et ils se posaient la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre crues et recrudescence de certaines espèces de poissons? Vous voyez? Donc, la crue, c'est un fonctionnement naturel positif. Le seul problème, c'est qu'on occupe des espaces qui sont inondables. Et l'urbanisation, elle ne cesse d'augmenter dans des espaces qui sont inondables, qui sont des espaces fonctionnels de la rivière qu'on ne devrait pas occuper. Les deltas, c'est extrêmement riche écologiquement. Hein. Le delta du Rhône et son plateau continental, c'est la zone en mer qui est comprise entre la surface et environ 100 mètres de profondeur. Il est très large devant le delta du Rhône. Il fait 70 km. Vous allez à 70 km du littoral actuel, devant les Saintes-Maries, et vous avez toujours. Les sédiments du Rhône. Vous trouvez les sédiments du Rhône. On a des sédiments qui se déposent depuis environ 2 millions d'années, et ont constitué ce qu'on appelle le plateau continental. Donc, quand il y a une crue actuellement, ben, les limons, ils arrivent toujours et ils vont se déverser sur le plateau continental. Ils vont enrichir cette zone et il va y avoir écologiquement des phénomènes, des blooms planctoniques et dans la chaîne alimentaire, les poissons qui mangent plancton et puis après les gros poissons, les thons, etc., etc. Pourquoi c'est une zone de pêche du thon rouge excellente, cette zone-là, hein, et que les pêcheurs sétois ont exploité pendant très longtemps jusqu'au Baléares, hein, c'est grâce au Rhône. On va voir si on peut passer, parce qu'il y a un passage qui est un peu... Mais il n'y a pas de danger. Hein, c'est... La végétation, là, déjà, là, tu peux dire qu'il y a guère de profondeur. Il se forme. Là, on ne peut pas se débarquer. Sinon, je vous ferai voir des grosses moules. Il y a des moules comme la main. Énorme. Santé. L'odeur de cette végétation. Ça sent un peu, presque comme l'olive, un peu, là. Tous ces voilà, bois. Alors là, il y a un vestige, là, vous voyez, regardez. Il y avait un carrelé, là. Là, vous voyez, le poteau, là, en haut. Ah oui. Vous voyez. Oui. Un voilà. Grand filet. Il y avait un grand filet. Quand on descendait au treuil. C'était des grands filets carrés, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, là, on va le voir un peu. On va voir. Henri, regarde, donne un petit coup par là. C'est bon? Ouais. Et là, à cet endroit, là, cette pointe, il y avait un arbre énorme. Et un jour, il a tombé. Et un jour, c'était l'été, des jeunes pêcheurs, ils pêchaient, puis ils ont décidé de se jeter à l'eau pour nager. Et il y en a un qui est mort, qui n'a pas remonté. Et moi, j'étais plongeur, donc au pompier à Arles. Et cet arbre, il était énorme. Et je suis remonté. Je ne le trouvais pas. Je suis remonté, j'ai été pris dans les branches. Et je ne pouvais plus monter. J'étais pris, les branches me prenaient. Il a fallu que je me mette dans le sens de l'arbre, jusqu'en bas, pour pouvoir remonter. Là, c'était une des plongées un peu difficile. Hein. Parce que là on n'y voit rien. Hein. Là, c'est le noir total. Hein. Mais c'est de la boue, hein. Ouais. C'est pas de la caillasse, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Tu le vois là? Oui, je le vois à vue d'œil. Il y a 1 mètre, 1,20 mètres. 1,20 mètres, moi, c'est large, ça suffisait. Hein. Voilà, on est content là, tout ça. C'est les Everglades, hein, presque. C'est moi qui n'ai pas surveillé là. Tu fais marche arrière ou marche avant? L'usage du fleuve, le delta du fleuve. Une émission de Martine Abad, réalisée par Annabelle Brouard. Prise de son Laurent Macchetti, mixage Julien Douminc, documentation Maria Contreras. Merci à Marc Jacquin, Monica Squette, Anaïs Chéron, et Jean-Paul Capitani. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien replay et podcast pour la péniche, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Et demain, dernier épisode, Marin d'eau douce sur la Marne.